Cartel Records. Comment leur pardonner? Je n'ai plus rien à leur donner. Longtemps j'ai cru déconner, mal juger leur honnêteté. Je suis dégoûté de l'homme et leur façon de s'abonner à mes formes. Je t'aime, je te le jure, mais il y a aussi les autres femmes. C'est pur, entre nous c'est passionnel. Rendez-vous au 7ème ciel, mais c'est tout, je t'assure. Contre nous c'est tout, rien et ça recommence à chaque fois. C'est pour toute la vie, mais ça ne se fait qu'une fois. Alors excuse-moi si ma confiance est vesquie, si ma méfiance investit. Si tôt ou tard je te trahis, avant t'en fasses le premier pas, le premier choix. Nos premières guerres me narguent à chaque fois que je pense à toi. C'est cérébral, entre nous, inévitable, jour après jour, ça me rend ouf. Besoin de ton souffle contre ma peau, je peux pas t'aimer, trop d'hématomes. Besoin de ton sourire et tes mots pour me raisonner quand je vois trouble. J'ai peur de t'aimer, alors laisse-moi prendre la fuite. Comme si on connaissait la suite. Si tu savais, entre nous, des fois mieux vaut ne pas parler, se laisser aller. Sans nos doutes, sans mes fautes et ton envie de disparaître. Juste envie que l'on s'apaise sans que jamais rien ne s'arrête. Je t'aime, moi non plus, je te hais, d'autant plus. Je sais pas où ça va nous emmener. Tôt ou tard, ça va nous ronger. On était mieux amis en fait, je crois. C'était plus fort que ça, on se contente jamais de ce qu'on a. On s'est connus, tout était beau, surtout toi. On se côtoie de moins en moins, sûr qu'on se noie. Sûrement pas de regret, retiens-moi s'il te plaît. C'est la fierté qui me fait parler ainsi. Si je te sens plus, j'en perds mes racines. Si je te suis tout pas, donne-moi juste un signe. Qu'on se perde pas, tout est speed. La suite, je la sens pas indépendante. Alors je le montre pas, depuis que je suis tombée. Je me bats contre mes sentiments. Je me sentais prête à surmonter ce que je rejetais tout ce temps. On se fait des films trop facilement. C'est que le début, on pense déjà que ça finira salement. J'ai peur de t'aimer, alors laisse-moi prendre la fuite. Comme si on connaissait la suite. Si tu savais, entre nous, des fois mieux vaut ne pas parler, se laisser aller. Sans nos doutes, sans mes fautes et ton envie de disparaître. Juste envie que l'on s'apaise sans que jamais rien ne s'arrête. Sans que jamais rien ne s'arrête. Je sais plus sur quel pied danser. Un jour ça va, demain c'est condensé. Conscient que nous c'est inconstant. C'est de plus en plus fort et je suis forcé de pas céder, patienter. C'est tout ce qui reste, c'est tout ce qui blesse, c'est tout ce qui pousse. La tendresse en faiblesse, faut pas qu'on s'essouffle ni qu'on se ralentisse. J'atteste à tes dires, mais viens pas me rendre ouf, préserve nos cicatrices. C'est que le début, on pense déjà que ça finira salement. C'est que de la pue sans engagement, de la vie sans égarement. On se convient peu à peu, ça génère de l'attachement. Et pour la vie à deux, on s'en remettra aux absents. J'ai peur de t'aimer, alors laisse-moi prendre la fuite. Comme si on connaissait la suite. Si tu savais, entre nous, des fois mieux vaut ne pas parler, se laisser aller. Sans nos doutes, sans mes